au jardin zoologique, allons voir les animaux, les grands singes d'Amérique, la gazelle, le chameau. Allons voir les dromadaires, la tribu des kangourous, l'ours des régions polaires et la girafe au long cou. Ces animaux exotiques ne paraissent pas méchants, ils ont l'air très sympathiques et m'ennuient profondément, et m'ennuient profondément, et m'ennuient profondément, et m'ennuient profondément, et m'ennuient profondément, et m'ennuient profondément, et m'ennuient profondément, et m'ennuient profondément. Allons voir les dromadaires, la tribu des kangourous, l'ours des régions polaires et la girafe au long cou. Ces animaux exotiques ne paraissent pas méchants, ils ont l'air très sympathiques, ils m'ennuient profondément.